Ce qui ne tue pas te rend plus fort mais te blesse à coup sûr. C'est aussi sûr que les remparts sont déçus et que le temps ne pense pas les blessures. Dis-moi, ressens-tu cette atmosphère malsaine ou pour un petit cachet oublie facilement les coups qu'on t'assène. Et ouais, on me victimise pour que t'atteignes l'alchimie. Mais c'est trop bizarre cette obsession de finir vieux à te fourguer de la dope si bizarre. Mec, y'a trop de mythomanes dans leur show business. Alors je te rappelle que ce genre de clébard qu'on tient pas en laisse. Nos rues sont redoutables, les tiennes sont remplies de tapettes. Ta sentence sera interminable si tu te frottes à ma peine. À cette heure-ci, l'affrontement est inévitable. Et ouais, nous on capte ton subliminal. Je me chécoute quand tu te fais le pour aller fêter. Ce que tu me donnes pas, je le prends. Ton PIB, on s'en branle. C'est pour ça que tu veux que les gosses de chez nous finissent mal. Pour que tu puisses continuer à t'enrichir sur des mecs antinables. Faut que t'apprennes à limiter les dégâts. Pédophiles, nous on t'enfile à la DBZ. Si t'as le 17 facile, esprit spartiate. Nous on porte pas de pare-balles. On met au rap à 4 pattes. On tire une droite dans la chatte. Doctrine, nos mioches flippent. Parce qu'ils perdent la vie pour des centimes. Moi je suis pas dans leur trip. Alors on bat tes merdes avant qu'on sorte les torpilles. Survie dans ma doctrine. Nous mioches flippent. Parce qu'ils perdent la vie pour des centimes. Ils sont trop nombreux ceux qui pensent nous égaler. Ces petites pédales finiront bien par détaler. 93 anti-deck. Nous on marche aux sentinelles. On respecte l'ennemi car c'est plus le temps des petits nègres. On laisse derrière nous cette jeunesse débile. Toutes ces vieilles tuiles qui ont fait de nous ces voleurs en trottinette. Les vraies victimes sont ces rampants impuissants. Difficile de sauver un enfant qui en veut aux œuvres du Tout-Puissant. Activiste, pacifiste, qui refuse ton optimiste. Crois en ses billes. Survie dans ma doctrine, où les mioches flippent. Mais savent par cœur que tout a un prix. J'enfile Jean-Marie et ses porcs, quoi qu'il arrive. Balance ton tarif, on t'arrose, espèce de parigo. Viens pas nous tester chez nous. Surtout viens pas mettre le faux poudre quand t'es sorti de loup. Elles sont nombreuses les étapes pour être solvable, go. C'est un véritable parcours de soldat. M'oblige pas, me juge pas. Car combien de ces salauds la prennent dans le trou de balle. Aucun de nous t'a demandé de nous aider. Rappelle-toi que nous c'est le gros qui t'a forcé de les aimer. Mes mots sont indisibles, les leurs est illisibles. Je veux pas finir sur ton pilori. Survie dans ma doctrine. Nos mioches flippent. Parce qu'ils perdent la vie pour des centimes. Renoir, je suis pas dans leur trip. Alors on bat tes merdes avant qu'on sorte les torpilles. Survie dans ma doctrine. Nos mioches flippent. Parce qu'ils perdent la vie pour des centimes. Ils sont trop nombreux ceux qui pensent nous égaler. Ces petites pédales finiront bien par détaler. Ok, Marc Grégoire.